troisième temps de notre série consacrée en ces temps de Brexit possible ou probable aux relations de la Grande-Bretagne à l'Europe. Aujourd'hui, le débat, la Grande-Bretagne a-t-elle fait le choix du monde ? Lundi, nous avons évoqué la Grande-Bretagne romaine avec l'historienne du droit Soisy Kerneïs. Hier, la réalité de l'anglophobie française. Demain, le documentaire d'Anaïs Quien et de Marie-Laure Ciboulet nous conduira au bord de la Manche, théâtre de quatre histoires différentes racontées par quatre historiennes et historiens. Et aujourd'hui, eh bien, notre débat va s'arrêter sur une idée reçue selon laquelle la Grande-Bretagne aurait choisi le monde contre l'Europe. Nous en discuterons avec Anaïs Quien qui co-animera ce débat et qui l'a préparé avec nous, avec nos trois invités, Clarisse Berthezet, elle est professeure d'histoire britannique au département d'études anglophones de Paris Diderot, au laboratoire Larca. Elle est auteure de plusieurs livres sur les conservateurs britanniques et le dernier à paraître, c'est aux éditions de Manchester University Press sur les conservateurs dans la bataille des idées. Guillemette Crouzet est également avec nous. Elle est chercheuse en post-doctorat au département d'histoire de l'université de Warwick. Elle est auteure d'une thèse sur Genèse du Moyen-Orient, le golfe persique à l'âge des impérialismes, paru il y a 2 ans ou 3 chez Champvallon. Pierre Saint-Garavello est également avec nous. Il est professeur d'histoire contemporaine à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, directeur des études des éditions de la Sorbonne, et vous avez dirigé en point seuil les empires coloniaux. Votre maîtrise sur l'école française d'Extrême-Orient va reparaître aux éditions du CNRS. Commençons donc cette émission sur l'Empire britannique parce que l'Empire britannique a produit de meilleur peut-être et a exporté dans le monde entier la pop, la Britpop en l'occurrence. Et là, il s'agit du titre des Kinks Australia tiré du disque The Decline and Fall of British Empire. Bonjour à vous Anaïs Quien. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bonjour Guillemette Crouzet. Bonjour à tous. Bonjour Clarisse Berthezen. Bonjour à tous. Et bonjour à vous Pierre Saint-Garavello. Alors bonjour. Notre thème d'aujourd'hui est de réfléchir dans cette série d'émissions consacrées à la Grande-Bretagne dans sa relation à l'Europe, à, disons, un topos de l'histoire de la Grande-Bretagne, à savoir qu'elle aurait un jour décidé de larguer les amarres et de regarder ailleurs. Guillemette Crouzet, ça fait partie des grandes idées reçues que l'on a sur la Grande-Bretagne, qu'elle a donc décidé de conquérir le monde et donc de ne plus avoir de relations avec l'Europe ou des relations minimales avec l'Europe. C'est un débat dans l'école historique anglaise. Oui, c'est un grand débat en fait et qui structure aussi un autre débat qui est celui autour de l'identité en fait de la Grande-Bretagne et de ses trois îles, identité politique, culturelle et sociale. Autour du débat sur la Britishness, c'est un débat qui structure... Alors la Britishness, il faut peut-être dire à nos auditeurs ce dont il s'agit. Sur l'idée d'une identité en fait britannique, sociale, culturelle et politique qui se serait aussi exportée avec l'impérialisme britannique. Et cette idée en fait d'un lien soit en fait privilégié avec le monde qui structure l'idée impériale, hein, d'une sorte de destinée providentielle de la Grande-Bretagne qui serait partie à la conquête des mers, structure aussi en fait l'historiographie de l'Empire britannique et de l'histoire en fait de la Grande-Bretagne. Et c'est d'autant plus intéressant, Clarisse Berthezen, qu'effectivement ça fait partie là d'une idée reçue française sur la Grande-Bretagne, c'est-à-dire d'une sorte de trahison européenne de la Grande-Bretagne qui serait éternellement renouvelée, qui ferait que elle a décidé de ne pas jouer le jeu de l'Europe d'une certaine façon, Clarisse Berthezen. Oui, alors effectivement c'est un débat parce que notamment le Parti conservateur, j'allais venir à ça, se voit comme le parti impérial au XIXe siècle et aussi le parti qui ensuite au XXe siècle siècle, va essayer de faire entrer la Grande-Bretagne en Europe. Et puis aujourd'hui, au contraire, donc dans cette situation difficile qu'on connaît. Et donc finalement, ce parti reflète un tout petit peu toutes les contradictions et les questions entre empire et Europe et les indécisions aujourd'hui. Oui. Pierre Saint-Garvelou, effectivement, cet empire était un empire considérable, l'empire des mers, disait-on. Il y avait un chapitre dans le Mal et Isaac qui disait la Grande-Bretagne, donc maîtresse des mers, et avec ce regret de ne pas avoir eu la France à la place de la Grande-Bretagne. Dans cette concurrence impériale, effectivement, ça comptait beaucoup pour le regard français sur cette Grande-Bretagne. Oui, il y a une véritable fascination française pour ce qu'on pourrait dénommer un habitus colonial, un habitus impérial britannique. Il est résumé, cet habitus, par une célèbre formule d'André Siegfried, professeur au Collège de France, qui a publié un travail de psychologie des peuples, L'âme des peuples, en 1950, et qui compare les Français et les Britanniques. Il dit, qu'est-ce qu'un Français ? Un Français, c'est un homme intelligent. Qu'est-ce qu'un Britannique ? C'est un idiot. Qu'est-ce que deux Français ? C'est de la conversation. Qu'est-ce que deux Britanniques ? Bah, c'est le sport, tout simplement. Qu'est-ce que trois Français ? Je vous le demande, Emmanuel. Je ne sais pas. Bah, c'est le chaos, la pagaille, dit-il. Trois Britanniques, nous répond-il, eh bien, ça donne l'Empire. Tout naturellement. Et donc, ça veut dire que cette vision-là s'est ancrée profondément dans la conception qu'on pouvait avoir en France de ce choix britannique du monde. Oui, les Français, à partir des années 1880, étudient le modèle britannique comme, d'une certaine façon, le modèle à suivre ou à adapter, à perfectionner. Il y a même des cours un peu partout dans les universités françaises de colonisation comparée. On étudie les mérites de l'expérience coloniale britannique par rapport aux expériences françaises. Il y a un ouvrage de John Seeley, qui est professeur à Cambridge dans les années 1880, qui est publié en 1883, qui s'appelle The Expansion of England, qui est publié très rapidement en France, qui est un best-seller et qui est censé montrer la voie aux Français, notamment aux élites libérales françaises. Anaïs Kien. Mais est-ce qu'il n'y a pas une distribution là des représentations en opposition, c'est-à-dire cette Angleterre forcément tournée vers la mer et cette France qui tourne forcément le dos à ses façades maritimes, à son histoire maritime même. D'ailleurs, on voit bien quand on essaye de travailler sur l'histoire de la Manche, qu'on a essayé de faire avec Marie-Laure Ciboulet. C'est le documentaire de demain. Le Channel est perpétuellement cité, même utilisé dans les titres des ouvrages d'histoire qui traitent de ces questions-là par les Anglais. Par contre, en France, lorsqu'on parle de la Manche, c'est le département. On n'est plus du tout sur la façade maritime. Oui. Moi, j'allais juste dire que l'histoire de la France et de la Grande-Bretagne, de toute façon, se construit en permanence dans cette opposition, cette rivalité et en même temps, donc, cette histoire commune. Et on, pas seulement sur le regard extérieur, mais finalement, tout ce qui est révolution par révolution, de Burke à aujourd'hui, on a l'impression constamment que ces stéréotypes sont pris pour des faits réels et que la Grande-Bretagne serait anti-révolutionnaire, que la France serait le pays des extrêmes et on voilà. Ce qui est tout à fait évident, Guillemette Crouzet, c'est que ce débat sur la Britishness, qui visiblement est très actif outre-Manche, justement, c'est un débat qui se fait se poser des questions, comme d'ailleurs la question de l'identité nationale chez nous depuis maintenant une vingtaine d'années, à tous les Britanniques. Quels en sont les tenants et les aboutissants, justement, dans cette relation à l'Europe d'un côté et au monde de l'autre côté, Guillemette Crouzet ? C'est quelque chose qui est assez complexe, parce que donc cette identité, elle se construit à partir du 17e et tout au long des 18e et 19e siècle. Il y aurait par exemple l'idée qu'effectivement, comme l'a dit Clarisse Berthelet, la Grande-Bretagne serait différente en fait. Elle est née d'un groupement d'îles en fait par deux actes d'union. Ensuite, au cours du 18e siècle, il y a l'opposition à la France contre la Révolution française, les guerres napoléoniennes. Il y a le fait qu'il y a l'identité protestante aussi. Et puis il y a bien sûr l'idée qu'elle est une grande puissance maritime, qui est partie à la conquête des mers. Il y a eu deux empires britanniques, un premier ancré en fait plutôt dans l'Atlantique et la Caraïbe, puis un deuxième ancré autour en fait des masses du sud-asiatiques. Mais malgré tout, je pense que c'est important de rappeler, c'était Palmerston qui disait « La Grande-Bretagne n'a ni d'amis ni d'ennemis permanents, elle n'a que des intérêts permanents. » Et ces intérêts permanents, même quand il s'agit de l'Empire, demeurent profondément ancrés en Europe. Avec, on peut prendre quelques exemples, la guerre de Crimée, par exemple, dans le cadre d'une alliance avec la France. Il y aura également, peu avant, avec la guerre d'indépendance grecque. Pourquoi ? Parce que, en fait, tout ce qui se passe en Europe, quand il s'agit de la Russie, quand il s'agit de l'Empire ottoman, en réalité, renvoie aussi aux problématiques de l'Empire et, en fait, à la sauvegarde des intérêts impériaux de la Grande-Bretagne. Et donc, ça veut dire que les travaux des historiens et historiens contemporains de Grande-Bretagne aujourd'hui réinsistent sur cet ancrage territorial donc, de la Grande-Bretagne lié à l'Europe en rompant d'une certaine façon avec cette idée reçue que l'on a depuis le début de notre discussion de cette grande prise de large, d'une certaine façon. Oui, il y a eu beaucoup de travaux, hein, commencés puisqu'on a parlé de la Manche, par exemple du livre de Renaud Morieux, hein, qui a montré que la Manche est un espace complètement transnational, qui en fait, en quelque sorte, fait fructifier ces échanges transnationaux entre ces communautés en fait britanniques et ces communautés françaises. Et puis, l'histoire de la Grande-Bretagne impériale a été profondément renouvelée, hein, depuis les années 70-80, avec les articles fondateurs en fait de Pocock, par exemple, hein, qui disent qu'il faut considérer en fait toute l'histoire de la Grande-Bretagne, certes par son empire et en fait en liaison avec son empire, mais également avec l'Europe. Et c'est par exemple le travail de Linda Colley sur l'histoire en fait des Britanniques, hein, et des îles britanniques, qui montre que on peut comprendre la Grande-Bretagne qu'en comprenant bien sûr la formidable expansion impériale qui commence au XVIe siècle puis qui s'est accélérée au XVIIe, fin du XVIIIe et surtout XIXe, mais en même temps dans les liens qu'elle conserve avec l'Europe économique et politique. Anaïs Quin. Oui, puis peut-être aussi dans le débat historiographique un peu plus récemment, Pierre Saint-Garavelou, certains historiens britanniques ont remis en question même l'intérêt que les Anglais pouvaient investir eux-mêmes dans leur histoire impériale. Oui, alors, il y a eu un débat, en effet, notamment... Les Anglais de métropole. Opposant ce qu'on a appelé les historiens et historiennes maximalistes et les minimalistes. Les minimalistes étant très minoritaires, c'est-à-dire ceux qui considèrent que l'Empire a eu un impact majeur, déterminant sur l'histoire contemporaine britannique à tout point de vue, dans le domaine culturel, économique, politique, c'est l'école de la New Imperial History, par exemple à partir des années 1980-1990, qui est très importante, notamment autour de Manchester University Press, qui a publié des dizaines et des dizaines de monographies sur tous les sujets possibles et imaginables, les pratiques du tea time, le cricket, la sexualité, etc., et le rôle de l'Empire et l'expansion coloniale dans toutes ces pratiques sociales. Et de l'autre, eh bien, quelques historiens qui représentent une histoire plus, disons, sociale, comme notamment Bernard Porter et son ouvrage Absent-Minded Imperialist, qui, lui, tend à relativiser l'impact de l'expansion coloniale sur, eh bien, la vie métropolitaine, l'histoire domestique, comme on dit en anglais, en expliquant, eh bien, qu'au fond, avant 1880, quand on regarde les statuts dans le paysage urbain à Londres, eh bien, il y en a très peu qui concernent l'Empire, il y a très peu de débats, moins de 10% avant les années 80, de débats à la Chambre qui concernent l'Empire. Bon, et puis il dit, sous une forme de boutade, au fond, le principe principale conséquence de l'expansion coloniale, eh bien, c'est l'explosion des caries dentaires. Parce que les Britanniques, à la fin du 19e, consomment 40 kilos de sucre par an, de sucre colonial. Bon. Alors, il se trouve que, en réalité, évidemment, c'est un peu excessif, hein. Aujourd'hui, il y a un consensus pour dire qu'évidemment, comme ça a été dit par mes collègues, eh bien, l'Empire a eu un impact conséquent. Et que cette Britishness, cette identité britannique, elle s'est forgée bien souvent outre-mer. Avec des effets retours très conséquents sur la culture métropolitaine qui est devenue en quelque sorte une culture impériale, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les Britanniques, ce sont un peuple des migrants, et donc sur les 60 millions de gens qui quittent le vieux continent au 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, eh bien plus de 20 millions sont des Britanniques qui vont véritablement reconfigurer la démographie mondiale en Amérique du Nord naturellement, mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais aussi accueillir un certain nombre de migrants indiens qui vont eux aussi transformer des pays tout entiers comme Fidji, Maurice, etc. Et donc cet empire britannique va être le vecteur d'une mondialisation culturelle et économique majeure. Alors ça n'est pas à nous de trancher autour de cette table dans ce débat historiographique entre britanniques, mais néanmoins, Clarisse Bertheden, on voit bien qu'il y a deux visions là aussi de la Grande-Bretagne qui sont en opposition, en débat en tous les cas, dans l'université britannique ces temps-ci. Oui, et il me semble aussi qu'il faut bien tenir ensemble cette idée à la fois de Britishness que mentionnait effectivement Guillemette Crouzet et l'idée de Englishness qui est aussi tout aussi fondamentale. Alors, qui joue ensemble. Décrivez-nous la différence justement. Donc Englishness, c'est vraiment cette idée de l'Angleterre, que c'est vraiment l'Angleterre qui est à l'origine du Royaume-Uni, à l'origine de l'Empire. C'est à Londres que se situe Westminster et c'est là que se trouve réellement le pouvoir et que tout émane de Englishness. Donc cette idée. Pas dans l'Empire, donc, pas en Écosse, pas en Irlande, voilà, etc. Exactement. Et on peut même arguer qu'aujourd'hui, c'est une des grandes questions, c'est de se dire que ce Brexit provient de Englishness, de cette Angleterre, et de l'idée de récupérer des valeurs anglaises par opposition à quelque chose qui se serait un peu dilué au Royaume-Uni et puis justement dans l'Empire en Europe. On sait combien il est difficile de définir les valeurs françaises dans un débat sur l'identité nationale et que cela divise beaucoup de gens. il y a un consensus minimum justement sur ces valeurs anglaises et quelles seraient-elles justement d'après ceux qui les défendent en tous les cas, Clarisse Berthelsen? Alors, ceux qui les défendent peut-être le plus, ce sont les, conservateurs. Ce sont les conservateurs. Et il me semble qu'ils diraient certainement ce qu'ils appellent le common sense, le bon sens, le côté pratique, le côté anti-abstraction, l'idée que la raison humaine est imparfaite, qu'il n'y a intellectual imperfection, ça revient tout le temps, c'est-à-dire que contrairement à la raison avec un R majuscule, ou contrairement à la France, aux théoriciens français qui se targuent d'avoir des systèmes, etc., l'Angleterre et les conservateurs seraient au contraire la patrie du pragmatisme, de ce qui a été essayé avant, du précédent. Anaïs Kia. Mais justement, peut-être à l'échelle de l'histoire de ce parti conservateur et de l'élaboration de ses discours successifs, on peut peut-être voir aussi la construction de tout cela, parce que là on parle beaucoup du contemporain, puis on se déloigne un petit peu de la situation actuelle, mais comment se construit finalement ce qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire au début du 19e siècle, on imagine bien que ce mouvement conservateur n'a pas les mêmes visées qu'au moment de la Première Guerre mondiale, Clarisse Berthelsen. Oui, bien sûr. Alors, fin 19e, le parti conservateur se voit donc comme le parti de l'Empire. On voit bien une rhétorique impérialiste assez agressive, assez ce qu'on appelle jingoïste au sein du parti, et notamment la base du parti est réputée pour cette rhétorique un peu militaire, nationaliste, etc. Chauviniste à l'anglaise, tout à fait, qui est assez critiqué par d'autres. Et si on prend comme point de comparaison, par exemple, les années 30, on voit un discours totalement différent. Donc, on a le parti conservateur a construit entre-temps un discours assez différent, et on voit que le premier ministre conservateur, lui au contraire, parle tout le temps de privacy, de gardens, de jardin à l'anglaise, le côté au contraire restreint, le côté retenu de l'Angleterre, tous ces autres stéréotypes qu'on a également, mais qui sont plus mis en avant à partir des années 20 et 30 comme conséquence de la Première Guerre mondiale. Enfin, on pourra revenir sur la construction de ces images, mais qui sont très fortes dans les slogans, les campagnes électorales, tout ce qu'on peut lire, et l'image de l'homme politique aussi chez lui. On le voit dans les campagnes, on le présente dans les campagnes électorales, on le présente toujours dans sa famille. On a parlé d'une féminisation du parti conservateur dans les années 20 et 30 et de la nation, puisque c'est le parti qui domine. Donc surtout pas cosmopolite d'une certaine voilà. façon. On est plus chez les lanciers. Ça va à l'encontre complètement de l'image impériale. On est plus chez les lanciers des Bengales, quoi, à ce moment-là. Précisément, c'est ce qui est intéressant dans ce que dit Clarisse, c'est qu'en fait, le Brexit a été interprété parfois comme l'expression d'un renouveau d'une culture impériale. Et en fait, on voit bien que ce Brexit peut aussi être interprété comme... interprété, mais on l'a lu aussi, au contraire, bien sûr, mais au contraire, comme aussi, également, dans le même mouvement, la résurgence des identités, en l'occurrence pré-impériales, c'est-à-dire pré-britanniques, en l'occurrence, l'Englishness dont Clarisse vient de parler. Et ça, c'est important, parce qu'en fait, on voit bien la difficulté qu'on a à définir l'Englishness par rapport à la Britishness, ça n'a rien d'évident, et c'est pourquoi certains commentateurs et certains intellectuels en Grande-Bretagne considèrent qu'il y a là surtout une identité ethnique blanche, anglaise, et qui expliquerait aussi, qui se traduirait aussi... Qui mettrait quand même à la marge aussi l'Écossais, Irlandais, c'est cela qui peut étonner dans cette définition de l'Englishness. En partie, et puis surtout qui se traduit par un fort essor du racisme ces dernières années en Grande-Bretagne. On voit bien que la campagne du Brexit s'est traduite par exemple le meurtre de Joe Cox la semaine du vote. Mm-hmm. Hein, Joe Cox qui était député britannique Labour pro-immigration, pour dire les choses très rapidement, assassiné par un militant pro-Brexit qui l'a assassiné en s'exclamant Britain first, la Grande-Bretagne d'abord. Et on a quand même observé une explosion des actes racistes, y compris à l'égard des Européens de l'Est, parce que des Polonais parlaient polonais dans la rue, ils pouvaient se faire tabasser à ce moment-là. Guillemette Crouzet. En fait, je trouve très intéressant dans ce qu'a dit Clarisse Berthelsen pour l'entre-deux-guerres, et cette idée en fait que est-ce que par l'Empire, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de voir une dissolution en fait de l'identité anglaise ou de l'Englishness? Et c'est un débat en fait et une problématique qui parcourt aussi la vie politique même bien avant. Par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, si on pense au procès du gouverneur général des Indes, par exemple Hastings, avec Burke, qui dénonce pendant quasiment plus d'un an, où dure le procès en fait, la corruption qui est en train de s'installer en fait dans le système en fait anglais et même son système parlementaire, parce qu'il y a toutes les richesses de l'Empire, et notamment là les richesses des Indes, qui sont en train d'affluer et qui corrompent en fait ce qui était the English virtue. Et il y a un autre débat, en fait, par exemple, cette fois-ci à la fin du 19e siècle, qui est le mouvement Little England, qui est très actif cette fois-ci au sein d'un autre parti politique, qui est le parti, en fait, libéral. Et donc, c'est cette idée que, est-ce qu'on est en train de privilégier l'expansion impériale au dépens, en fait, aussi des problématiques, en fait, internes, et notamment celles de l'Angleterre. Pierre Saint-Caravillou, brièvement. Oui, alors il faut dire que parallèlement à ça, il y a quand même une nostalgie impériale qui est partagée par une grande partie des élites politiques et des élites en général britanniques. Aujourd'hui Oui, aujourd'hui, partagée aussi bien par Gordon Brown, premier ministre britannique, qui en 2005 a déclaré qu'il faut absolument célébrer le passé colonial britannique. Évidemment, les conservateurs reprennent cette rengaine ensuite jusqu'à Theresa May. Et en fait, c'est une idée qui est partagée par les Britanniques. On le voit bien dans les sondages 2014-2016. Plus de la moitié des Britanniques considèrent encore, eh bien, qu'il faut être fier, c'est le terme utilisé, de ce passé colonial, et seulement 20% des Britanniques le regretteraient. Malgré le déclin et la chute de l'Empire britannique, les Kings Victoria. Ce mercredi, nous sommes dans le troisième temps de notre série consacrée à la Grande-Bretagne et l'Europe, et nous débattons avec nos invités Guillemette Crouzet, Clarisse Berthezen, Pierre Saint-Garvelou ainsi que Anaïs Quien. Donc nous débattons de la question de savoir si la Grande-Bretagne a fait le choix de l'Empire et donc le choix du large plutôt que le choix de l'Europe, comme on le dit souvent, donc au 18e mais surtout au 19e et 20e siècle. Alors cette constitution de l'Empire, cette façon dont il s'est construit, dont il a servi aussi à ces îles britanniques, à la fois pour s'enrichir, pour trouver de nouvelles manières culturelles, mais aussi pour pouvoir exporter des populations supplémentaires. Ça a été aussi une constitution très importante sur laquelle reviennent tous les historiens britanniques aujourd'hui, Pierre Saint-Garvelou. Oui, c'est un phénomène social et démographique majeur, à la fois pour les ce qu'on a appelé les white colonies, qui sont devenus ensuite les dominions, hein, c'est-à-dire le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande notamment, et aussi pour la Grande-Bretagne elle-même, puisque on s'est aperçu assez récemment, notamment à la fin du XXe siècle, à travers de nombreuses études sur les migrations, eh bien que les deux tiers des migrants britanniques finissaient par revenir au Royaume-Uni, et donc c'est ce qui explique pourquoi, eh bien, s'est développé quand même en Grande-Bretagne, contrairement aux autres pays du monde, une véritable culture impériale. C'est ce qui fait qu'à la fin du 19e, au début du 20e siècle... C'est-à-dire qu'on circule mieux à l'intérieur de l'Empire, on ne reste pas forcément... Oui, et ça vaut également pour les ce qu'on a appelé les coulis indiens, qui sont en fait bien souvent des travailleurs libres indiens, qui sont 30 millions tout de même pendant cette période, qui eux aussi finissent, pour les deux tiers d'entre eux, par revenir en Inde, et donc qui reviennent, pour les Britanniques par exemple, dans leur région d'origine, raconter des histoires dans les pubs. Ce sont les vétérans aussi qui vont jouer un rôle très important et qui vont diffuser par le bas cette culture impériale. Et puis qui la rendent très présente, mais par ailleurs, ces colonies, Clarisse Berthezen, elles sont aussi, à un moment donné, une solution pour une crise économique, pour une crise de génération, pour une crise de transmission de richesse pour l'aristocratie qui, à la fin du Second Empire, au tout début du XXe siècle, un petit peu avant en fait la Première Guerre mondiale, voit décélérer à la fois leur prestige, leur aura politique et puis leur légitimité à la tête de ce pays. Et c'est cet empire qui va leur donner un second souffle. Oui, il y a plusieurs raisons effectivement à cette idée de l'empire comme second souffle. Alors l'empire pour l'aristocratie étant effectivement au départ jobs for the boys, donc ça c'est effectivement ça ouvre énormément de possibilités de travail, de notamment pour les cadets. Voilà, pour les cadets exactement. Pendant l'entre-deux-guerres, cela dit, c'est là où s'enfuiront tous ceux qui n'ont plus les moyens de justement maintenir leur propriété et qui vont aller vivre au Kenya, c'est le moment où, au contraire, l'aristocratie... Parce que l'entretien des châteaux coûte extrêmement cher. Extrêmement cher, exactement. Et après 45, justement, beaucoup de ces châteaux deviennent un peu des musées, sont ouverts au public, et les familles, en fait, habitent dans l'Empire, enfin, habitent dans les anciennes colonies. Mais d'ailleurs, c'est très étonnant, j'ai visité il n'y a pas très longtemps le château de Dunvegan, donc sur l'île de Skye, c'est le château du clan MacLeod. Voilà, donc ça parle à tout le monde, parce que c'est devenu un clan de fiction très, très prestigieux. Et on se dit, évidemment, vu l'histoire militaire et conflictuelle de l'Écosse, que la couronne était peut-être très envieuse d'envoyer tous ces cadets un peu remuants d'Écosse à l'autre bout du monde. Et puis en fait, effectivement, quand on visite ce château, donc un château restauré à la truelle, à coups de béton, c'est pas du tout un beau château romantique et charmant comme on pourrait l'imaginer. Par contre, c'est un coffret à trésors. Des trésors impériaux de tout l'empire colonial britannique. Exactement, il rapporte des collections extraordinaires. Mais je voulais juste revenir sur la question initiale, sur le second souffle. Il y a une figure très intéressante fin 19e, qui est Joseph Chamberlain, qui est un homme politique qui au départ est un libéral et puis qui change de parti et qui devient un conservateur. Et lui, il développe toute une théorie sur l'idée que l'empire et la réforme sociale sont vraiment les deux, vont main dans la main, vont de pair, et que c'est grâce à l'argent de l'empire qu'on peut aussi réformer en Grande-Bretagne, aider la classe ouvrière, etc. Et c'est le grand argument des conservateurs fin 19e, début 20e sur l'Empire, c'est vraiment qu'il faut arriver absolument à en faire un moyen un outil pour la réforme sociale nécessaire dont la Grande-Bretagne a besoin. Et c'est un personnage très, très intéressant. Et vous êtes aussi historienne des femmes et du genre, Clarisse Berthezen, et c'est aussi une solution, pas simplement pour la classe ouvrière qui s'exporte, pas simplement pour l'aristocratie qui exporte ses cadets, mais c'est aussi une solution d'équilibre démographique à l'intérieur de même de la Grande-Bretagne, puisqu'on va exporter les femmes. C'est quelque chose d'assez peu connu, mais c'est très important. Oui, absolument. Beaucoup de femmes, effectivement, sont envoyées volontairement ou involontairement, d'ailleurs. Devenir les Dominions, donc en Australie, en Nouvelle-Zélande ou ailleurs. Tout à fait. Et les femmes ont un rôle très important à jouer, jouent un rôle très important à la fois dans l'Empire, mais d'ailleurs aussi en Europe. Ce sont elles, on pourra en parler éventuellement, qui, après 45, justement, créent une Union européenne des femmes en Grande-Bretagne, sont à la tête de ce genre de mouvement. Donc oui, tout à fait. Guillemette Crouzet. Non, sur la culture impériale, je pense qu'il y a des points importants qui ont été soulevés, notamment une culture de la mobilité. Et en fait, c'est toute la Grande-Bretagne, l'ensemble des îles britanniques qu'on retrouve en mouvement dans son empire. Hein. Il y a des Irlandais, il y a beaucoup d'Écossais, pas oublier comme la place des Écossais qui est très forte. Il y a les Gallois. Mais là, on est même dans une culture très nordique, finalement, de cette mobilité. Oui, après, discuter en fait d'une identité nordique, mais comment elles vont se faire, ces mobilités, elles vont se faire et s'accélérer en fait aussi par la vapeur et par les steamers, en fait, et par toute la route, en fait, qui est celle de l'océan, en fait, indien, occidental et oriental, autour des Indes, autour des Détroits aussi, qui a été en fait pavé dans la seconde moitié du 19e siècle. Et sur la culture impériale aussi, comment l'Empire en fait vit à Londres, en Angleterre ou en Grande-Bretagne. Bon, il y a par exemple tous les pillages des collections archéologiques. On peut penser à la galerie Ninive, par exemple, hein, au British Museum, qui sont des trésors qui avaient commencé en fait par être découverts par les yards et puis qui sont rapportés. Il y a effectivement ces familles qui aussi s'enrichissent en fait parce qu'elles vont dans les territoires impériaux. Elles en rapportent des trésors. On peut penser par exemple en fait au siège de la famille Curzon, John Nathaniel, ce qui a été entre autres vice-roi des Indes, hein, à l'importance qu'a capital vraiment pour la structuration de l'Empire britannique, en fait, quand il arrive à son apogée vers 1914. Et en fait, le siège qui est à Kedleston, de la famille Curzon, est rempli en fait de ces trésors qui viennent des Indes, qui viennent d'Afghanistan, qui viennent du Tibet, etc. Et ces circulations, ce qui est très intéressant, Pierre Tsangarello, c'est qu'elles ne sont pas simplement entre la métropole, le centre de l'Empire et les provinces elles-mêmes qui ont été conquises, mais elles sont aussi transversales. C'est-à-dire ce qu'on découvre dans l'histoire impériale britannique, c'est combien des Indiens vont venir en Afrique du Sud, à Durban ou ailleurs comme Gandhi, combien des Canadiens vont venir peupler d'autres régions de l'Empire, et qu'il y aura des circulations transversales qui ne passeront pas forcément par le centre impérial. Oui, cette historiographie britannique et plus largement anglophone a opéré, une espèce d'infléchissement, si ce n'est une révolution, dans les années 1990. On l'a résumé par le titre d'un ouvrage célèbre de Durba Ghosh, Decentering Empire, décentrer l'Empire. Et donc se focaliser sur toutes ces circulations, ces interactions qui échappent finalement au centre, au cœur impérial, à Londres et à la Grande-Bretagne. Et donc dans tous les domaines, eh bien, comme vous l'avez laissé entendre, on observe ces connexions plus ou moins intenses. Par exemple, la non-violence active de Gandhi, bien entendu, née en Afrique du Sud et se transporte ensuite en Inde avec Gandhi. Exactement. Alors il faudra en plus compliquer ce modèle en sachant que ces pratiques de non-violence sont déjà existent aussi en Corée, par exemple, au début du XXe siècle. Et ces corpus de doctrine, ces savoir-faire politiques, eh bien, circule entre l'Inde, l'Égypte, l'Irlande également. Il ne faut pas oublier que l'Irlande est à la fois, comme l'a précisé Guillemette, eh bien un réservoir de colonisateurs, mais c'est aussi un pays qui est considéré comme une colonie à mains égards. Il est évident que cet Imperial Web possède plusieurs pôles en Asie, en Afrique et dans les Amériques. Et cela, quand on travaille en historiographie comparée des empires, d'une certaine façon, c'est assez différent de ce qu'on connaît en France. On n'a pas tellement d'exemples comme cela de Sénégalais qui se rendent ailleurs en Afrique ou qui se rendent dans les lieux coloniaux du Pacifique. Alors, à la suite précisément de cette proposition historiographique anglophone, les Français se sont intéressés, les historiens français sont intéressés à ces connexions. Il y a par exemple un numéro très intéressant de la revue Monde consacré aux liens entre Indochine et Algérie, dirigé par Sylvie Thénault notamment. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'Empire britannique, c'est évidemment l'Empire global par excellence, mais ce phénomène d'englobalisation qui a été souligné par Niall Ferguson, qui est éminemment critiquable, c'est-à-dire cette idée que la Grande-Bretagne a apporté la civilisation au monde entier, les institutions politiques, les pratiques sportives, les pratiques alimentaires, etc., eh bien, on le retrouve à un moindre degré dans l'Empire français. Clarisse Berthezen. Oui, alors justement, ça me faisait penser à l'école subalterne, l'école qui est historique indienne, qui justement a beaucoup lutté contre toutes ces interprétations. Qui est née en Inde, mais qui s'est beaucoup développée aux États-Unis principalement. Et dans les universités anglaises aussi. Voilà, et dans les universités britanniques aussi. Ouais. Très peu en France. Et assez peu en France, et dont toute l'idée, c'est justement de provincialiser l'Europe, pour reprendre le titre de Dipesh Chakrabarti, et de remettre l'Europe au juste endroit, et de replacer ces colonies, de leur redonner leur propre histoire et qu'elle soit écrite par des locaux, qu'on revienne dans les archives locales, etc., etc. Donc toute une historiographie assez alternative, autre. Mais en ce qui concerne le Royaume-Uni, il y a quand même bien un moment où le Royaume-Uni entre dans cette Union européenne. Comment se fait ce chemin entre cette fin de l'Empire, évidemment, cet amenuisement de l'importance de l'Empire et cette adhésion qui va se faire malgré tout. Malgré des négociations très compliquées, l'expression d'un désir d'adhésion retiré, remis au goût du jour. Oui, c'est assez compliqué en effet. Il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, un phénomène qui arrive juste après la Seconde Guerre mondiale. Il y a un débat au sein des deux partis, parti travailliste et parti conservateur, sur l'idée de démocratie chrétienne. Et justement, c'est l'idée de regarder vers l'Europe et ils regardent la formation de tous ces partis démocrates chrétiens. Et il y a un débat entre eux. Le Stafford Cripps du parti travailliste écrit un livre qui s'appelle Towards Christian Democracy, où il dit la démocratie chrétienne, ça n'est pas c'est pas des partis de droite, c'est une insulte à la chrétienté ou à ce que c'est que le... Donc il y a un moment de consensus politique européen. Et il s'intéresse à ce qui se passe en Europe en se disant il faut qu'on réfléchisse à ça, est-ce qu'il faut la même chose. Le parti conservateur, lui, réfléchit même à son son nom en disant est-ce qu'il faudrait qu'on soit pas le parti démocrate. Alors ils veulent pas le mot chrétien dans conservateur. Donc c'est un moment assez bref, hein, c'est entre 45 et 50. Il y a un débat et puis au sein du parti conservateur, les femmes conservatrices un peu créent au sein du Overseas Bureau à partir de 47, donc bureau des relations internationales, relations extérieures, s'intéressent beaucoup à l'Europe, regardent les partis conservateurs européens, les partis de droite, et essayent de créer en fait un mouvement de femmes au sein de ces partis. Elles essayent de créer ce qu'elles appellent une Union européenne des femmes conservatrices, et ça achoppe en fait justement sur la question religieuse, c'est-à-dire le fait que finalement ils ne sont pas des partis chrétiens-démocrates et ne veulent pas l'être. C'est ça la conclusion de ce débat, ni pour le Parti travailliste, ni pour le Parti conservateur. Ça, c'est quelque chose que font les Européens, mais finalement, l'Église anglicane, c'est totalement autre chose, et le débat s'arrête un peu, enfin, achoppe sur la question religieuse, ce qui est quand même intéressant, voilà, avec cette idée d'une Église anglicane qui est quand même très différente du reste du continent. Et on voit bien, effectivement, combien ce que vous racontez, en l'occurrence Clarisse Berthezen, va conforter ou peut conforter ceux qui pensent que c'est une parenthèse, cette histoire européenne de la Grande-Bretagne, qu'elle avait fait le choix du monde avant et que, d'une certaine façon, a fait le choix de l'indépendance et peut-être, là encore, le choix du monde aujourd'hui, même si c'est restreint sur son propre territoire et ses propres îles. Mais on voit bien combien cette histoire européenne apparaîtra ou pourrait apparaître si le Brexit se met en place définitivement comme une sorte de courte parenthèse dans une histoire beaucoup plus longue, en l'occurrence. Oui, le récit, en tout cas, qu'en font beaucoup de conservateurs, mais pas seulement des conservateurs, c'est qu'effectivement, la Grande-Bretagne n'est entrée dans l'Europe que pour des raisons économiques, que malheureusement, elle est entrée en 73 au moment trop tard. Du choc pétrolier. Du choc pétrolier, et que finalement, elle n'a jamais bénéficié comme les autres pays, de cette manne, et que, du coup, elle n'a pas d'autre intérêt que... Donc voilà, ça, c'est le récit qu'on entend énormément. Bon, il me semble qu'il y a énormément d'intérêts autres, évidemment, et notamment pour les universitaires, les chercheurs. Toutes les universités britanniques sont extraordinairement inquiètes parce que leurs financements proviennent quand même massivement de l'Europe. Donc, c'est juste un tout petit exemple, évidemment, de... Guillemette Crozet. Oui, je pense qu'aussi on peut faire une différence, en fait, dans l'adhésion à l'Union européenne et les critiques, justement, qui structurent les discours du parti à la fois conservateur et travailliste sur, en fait, l'Union européenne et ses structures. La rancœur qui est restée aussi autour de la formation, en fait, de la CECA, hein, dont la Grande-Bretagne, qui était fait, malgré tout, pour en partie exclure la Grande-Bretagne. Et puis, en fait, les liens avec l'Europe culturelle, politique et économique, qui là sont sont structurants de toute l'histoire en fait des îles britanniques, et bon, bien avant la date fatidique de 1973. Et bon, quant à l'inquiétude des milieux en fait pro-européens en Grande-Bretagne, effectivement sur les financements qui viennent dans les universités britanniques autour notamment enfin des programmes de recherche européens, c'est capital en sciences humaines, mais enfin surtout dans les sciences dures, hein. Il y a là, et bon, à l'heure actuelle en fait les grands organismes de recherche, que ça soit la British Academy, la Royal Society, et après les consortiums en fait des grandes agences de recherche cherchent en fait à l'heure actuelle à trouver en fait des systèmes qui puissent les remplacer. Hein. Anaïs Kien. Oui, Clarisse Berthezen, peut-être aussi qu'on pourrait toucher un mot de ce qui se passe après cet amenuisement de l'Empire et voir un peu comment ces différences très nettes entre les anciens colonisés français venus sur le territoire métropolitain et ce qui se passe pour le coup pour l'Angleterre et ses dominions, c'est-à-dire comment se refait cette communauté nationale, si l'on peut le dire, en tout cas britannique, avec aussi ces échanges cette fois-ci qui viennent dans l'autre sens, c'est-à-dire d'émigrés qui arrivent et qui s'installent dans cette métropole qu'on leur a tant vantée. Oui, c'est une histoire compliquée, tourmentée finalement, puisqu'ils arrivent au moment où on a besoin d'eux pour travailler. Et puis, on voit bien justement très récemment toutes les différentes questions, le racisme que ça a pu provoquer aussi également. Et en tout cas, il me semble que l'histoire de ce côté-là est tout aussi compliquée et difficile. Oui, Pierre Saint-Garrilou, c'est toujours effectivement, quand on fait de l'histoire des empires, il y a les périodes d'expansion et puis les périodes de rétraction de ces empires. On est dans une période de rétraction, évidemment, et de disparition peut-être même de ces empires sous leur forme 19e et 20e siècle. Et ça fait partie des travaux que d'aller voir justement ce qu'il advient de ces cultures impériales quand elles sont intégrées par le retour des anciens dominés dans le territoire d'origine de cet empire. Oui, alors vous voulez dire en Grande-Bretagne même. Oui. Oui, c'est ça. Alors là, en l'occurrence, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, peut-être, c'est le terme de Commonwealth, c'est-à-dire la volonté de la part des élites britanniques à partir de 1931, puisque c'est son acte de naissance officiel, de préparer la suite. Et de maintenir un lien. Alors de maintenir un lien. À l'origine, en 1931, il s'agit uniquement des Dominions, hein, c'est-à-dire de ces colonies dites blanches, comme on dit en anglais. Celles qui ont la reine sur leur tableau de poste. Exactement, et le drapeau Union Jack, voilà, sur leur drapeau, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Donc il y a là la volonté de constituer une communauté d'égaux avec éventuellement un primus inter pares qui serait le Royaume-Uni. Mais déjà à cette époque c'est compliqué, puisqu'on se rend compte que par exemple au Canada ou en Australie, le niveau de vie moyen est souvent plus élevé qu'en Grande-Bretagne même à cette époque, parce que ce sont des pays qui exportent des matières premières justement en métropole. Donc les relations sont déjà assez ambiguës d'un point de vue économique, et donc ce projet du Commonwealth, il se perpétue jusqu'en 1973, jusqu'à aujourd'hui en réalité. Mmh. Mais c'est une zone de libre-échange, d'accords économiques, etc. Et c'est aujourd'hui en fait la principale ressource, disons, du moins à la fois concrète et puis symbolique pour le Parti conservateur, échafauder son projet d'empire 2.0, c'est-à-dire de dire maintenant nous sortons de l'Europe, nous allons retourner vers le Commonwealth, vers ses alliés, ses partenaires historiques. Oui, mais ça, ce sont les colonies blanches, vous l'avez dit vous-même, mais pour toutes les autres colonies caribéennes, africaines de l'Empire britannique, ça n'est pas exactement la même chose. Non, c'est pas la même chose, parce que, comme vous le savez, l'histoire de la décolonisation a été souvent beaucoup plus complexe, même si, bon, si on prend l'exemple de l'Australie, eh bien, et de la Tasmanie, l'expérience britannique sur place est quand même traduite par des massacres d'aborigènes et un génocide en Tasmanie, même si c'est un terme qui est discuté aujourd'hui par l'historiographie sur place. Donc ce sont des expériences qui, en effet, en Afrique, par exemple au Kenya, ont été extrêmement douloureuses, hein, et qui rendent compliquées encore les relations internationales aujourd'hui. Mais qui explique tout de même le fait que ce soit la Grande-Bretagne qui offre un monument au Mao Mao au Kenya pour donc dire nous sommes responsables de ce massacre qui s'est passé au Kenya dans les années 1950-1960 en l'occurrence. Oui, alors ça c'est vrai que c'est assez compliqué, parce qu'en même temps il a fallu quand même un certain temps pour que les dirigeants britanniques reconnaissent le massacre d'Amritsar en 1919. Il faut un certain temps pour que les dirigeants français reconnaissent certains des massacres. On le sait aussi, les questions impériales sont compliquées dans ces domaines-là. Bien entendu. Guillemette Crouzet. Oui, je pense que c'est une question très intéressante, notamment sur récemment, puisque c'était entre guillemets la commémoration du massacre d'Amritsar. La reconnaissance est quand même très très timide, alors que quand même dès 1919, Churchill disait que c'était vraiment la tâche sur l'histoire de l'empire, impérial. Après, de l'autre côté, par exemple, on a eu le mouvement Take Cecil Rhodes Down, c'est-à-dire toutes les statues de Cecil Rhodes qu'on a abattues et qui en fait a été en débat jusque à Oxford même, pourtant parce que c'est un programme de bourse pour faire venir en fait justement des étudiants du Commonwealth à Oxford, mais en fait c'est toujours en fait cette espèce de nostalgie. Alors Cecil Rhodes, il faut rappeler donc que c'était un des grands colonisateurs impériaux, en particulier en Afrique. En Afrique du Sud aussi, et en fait cette nostalgie impériale, effectivement, comme l'a dit Pierre Sangaravelou, elle reste structurante dans le discours, et notamment dans le discours en fait pro-Brexit, autour de la création d'une formidable zone de libre-échange, mais qui malgré tout devrait se faire, si on les écoute, en priorité avec ce qui sont les anciennes colonies de peuplement blanches, hein, parce que donc, comme vous l'avez dit, avec l'empire mais pas tout l'empire, un empire idéal même, et un empire qui s'est construit autour de l'immigration blanche et effectivement du massacre en fait des populations aborigènes notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande. Oui, le problème, c'est que Theresa May, donc en fait, juste au lendemain du Brexit, a décidé de rendre visite à ce qu'elle pensait être le principal futur partenaire de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'Union indienne. Donc en novembre 2016, elle se rend sur place, et notamment pour discuter avec les représentants d'une des plus grandes multinationales du monde, indienne, Tata, discuter précisément d'un futur licenciement de 4000 employés au Pays de Galles, qui se préparait dans une filière de Tata. Donc elle demande un rendez-vous sur place aux représentants de Tata, qui refusent de la recevoir. Et c'est intéressant parce que ça a été interprété sur place par la presse indienne comme tout simplement un juste retour des choses, parce que le fondateur de Tata, à la fin du 19e siècle, avait essayé de fonder une aciérie moderne à Bombay, et les autorités coloniales britanniques avaient refusé de lui accorder ce droit. Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment le symbole d'un renversement du rapport de force économique à l'échelle mondiale. L'Inde est en passe de dépasser la Grande-Bretagne du point de vue du PIB, et surtout l'Inde, nous parlions de Britishness, l'Inde rachète les joyaux de la couronne britannique, c'est-à-dire Corus, la sidérurgie britannique, Tetley, le thé, la deuxième entreprise de thé au monde qui est britannique, a été rachetée par Tata, et Jaguar et Land Rover qui sont les deux marques de voitures de luxe britanniques. Donc le Royaume-Uni est englouti par son ancien empire. Bah, disons que l'Inde est en train de se réapproprier des éléments fondamentaux de la Britishness. Sans compter, par ailleurs, que effectivement les commémorations récentes de la Première Guerre mondiale et de son centenaire ont beaucoup marqué aussi la prise d'indépendance, pourrait-on dire, de ces anciennes colonies, y compris blanches, par rapport à la métropole principale, c'est-à-dire par rapport à Londres, parce que ça a été considéré, ces grandes batailles de la Première Guerre mondiale, dans lesquelles ont été tués des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens des Dominions, comme le premier acte, pourrait-on dire, de sang versé pour une indépendance à venir. Et donc aujourd'hui, effectivement, tous ces pays, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et tous les pays qui ont participé à la Première Guerre mondiale, ont vécu leur propre indépendance à l'occasion de ce centenaire. Qui veut parler de cela, Pierre Saint-Gravelou? Oui, disons que la Première Guerre mondiale marque un moment important de cette évolution. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu'un certain nombre de dominions envisagent de créer des ambassades propres indépendamment de Londres. C'est à ce moment-là que se développent des théories sur place en Australie, au Canada, de corps d'armée qui seraient aussi indépendants. Et puis c'est précisément dans l'entre-deux-guerres que ces dominions se tournent aussi vers les États-Unis comme un futur partenaire à privilégier. Oui, Clarisse Berthezen. Oui, et il me semble qu'un terme qui n'a pas été prononcé et qui prononce énormément en Grande-Bretagne, c'est anglosphère, c'est-à-dire c'est cette idée effectivement de récupérer un lien privilégié avec les colonies blanches et avec ce qui donc et de recréer quelque chose qui serait un petit peu différent et qui serait donc l'anglosphère, c'est-à-dire là où. Mais c'est difficile de trier. Bien sûr, c'est très difficile de trier, mais il me semble que ça a un lien avec ce qu'on disait précédemment sur Englishness, c'est-à-dire c'est vraiment revenir sur le côté anglo Englishness, et puisque il y a une dévolution écossaise, puisqu'il y a une dévolution galloise, puisque toutes ces colonies veulent prendre leur indépendance, finalement un effet de retour sur Englishness et essayer de recréer une anglosphère un peu différente. Guillemette Crouzet et Pierre Saint-Gravelou. Non, mais l'impact de la Première Guerre mondiale en fait sur l'Empire britannique, il est considérable, et en fait dans les identités impériales elles-mêmes, quand on pense à l'importance de l'Anzac hein, et de la mémoire en fait de la contribution notamment des Australiens, des Néo-Zélandais en fait, c'est au front, le corps expéditionnaire des Néo-Zélandais et des Australiens au front, qui sont en fait nos européens, qui va être le front en fait en Mésopotamie contre les Ottomans, et puis ensuite les fronts du côté des Détroits et de la Turquie actuelle et en fait des Dardanelles. Mais alors, malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que par exemple la fête nationale australienne, c'est pas l'Anzac, en fait c'est vraiment l'arrivée de la First Fleet avec les premiers convicts bagnards, et en fait c'est les premiers traités signés avec les populations locales. Donc là-dessus, il y a quand même quelque chose d'intéressant sur ces identités. Mais des identités qui sont pas encore totalement fixées, en l'occurrence Pierre Saint-Gravelou. Oui, l'Englishness dont parlait Clarisse à l'instant nous renvoie en fait paradoxalement au continent européen, puisqu'en fait cette Englishness, en réalité elle est théorique à la fin du 19e et au début du 20e siècle en Grande-Bretagne, sous la forme de la race anglo-saxonne. Et cette race anglo-saxonne qu'il faut régénérer à la fois en métropole et dans les dominions, en envoyant, comme vous l'avez dit, toute une série des femmes, des enfants sur place, en Australie, au Canada, etc. Pour peupler, eh bien, on considère qu'il faut le faire avec d'autres anglo-saxons que sont les Allemands, notamment des centaines de milliers d'Allemands qui sont accueillis en Australie et ailleurs. Oui, juste anglo-saxon, j'en profite pour dire, anglo-saxon est effectivement un terme racial. C'est un terme qu'on utilise énormément en France, à tort et à travers, qui est très insultant pour les gens à qui on le dit en Angleterre. C'est vraiment un terme qu'on ne prononce pas, qui en fait a une définition très précise et qui est un terme racial et qui a une histoire en fait, et qui apparaît d'ailleurs dans les livres d'histoire de Churchill, qui lui parle à l'époque de la race anglo-saxonne, et c'est un lien avec l'Allemagne, effectivement, c'est très fort. Guillemette Crozet, un dernier mais mot. Mais juste un point, en fait, sur l'entre-deux-guerres, enfin, ou les lendemains de la Première Guerre mondiale. Bon, il est évident que les dominions vont occuper, après, les statuts de Westminster, une part de plus en plus importante dans l'histoire de l'Empire britannique. Malgré tout, au lendemain de la Première Guerre mondiale, en fait, la Grande-Bretagne hérite, en fait, des anciens territoires ottomans, et elle devient une grande puissance mandataire au Moyen-Orient. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces identités impériales, il y a eu cette Grande-Bretagne ancrée dans les masses asiatiques autour de l'Inde. Il y a bien sûr l'importance des colonies blanches de peuplement, mais il y a aussi, malgré tout, en fait, ces territoires qui sont axés en fait, autour du canal de Suez et du Golfe. Merci. Et donc, vous avez travaillé sur cette question très précisément, en l'occurrence, Guillemette Crozet, pour votre livre sur la naissance du Moyen-Orient chez Champvallon. Demain, on revient, après être parti très très loin, on revient tout près. On revient tout près pour interroger un petit peu cet espace de la Manche. Alors la Manche peut-être dans le sens anglais du terme, c'est-à-dire vraiment cet espace marin, ce continent à queue d'une certaine façon, et interroger depuis le deuxième millénaire avant notre ère, on est remonté très loin quand même finalement Emmanuel, s'interroger sur le partage de cet espace et de comprendre un petit peu s'il a été si partagé que ça finalement entre tous les voisins de la Manche, comment on y a habité d'une certaine façon, et puis on parlera évidemment aussi des autres voisins. Voilà, c'est le document de demain que vous avez réalisé avec Marie-Laure Ciboulet. On en écoute un extrait. Une équipe d'archéologues travaille 24 heures sur 24 pour sauver un des plus vieux bateaux du monde. Le bateau de l'âge du bronze a été découvert par des ouvriers qui construisaient un nouveau tronçon d'autoroute à Douvres. Le 28 septembre, à l'heure du déjeuner, dans la ville de Douvres, il y a un chantier d'aménagement qui consiste à construire une route pour aller vers l'embarquement du ferry. Et dans le cadre de ce chantier, a été découvert les fragments d'un bateau. Il y a des traces qui montrent sur le bois que le bateau a été utilisé. Il a été traîné, il y a des traces sur le dessous du bateau qui montrent qu'effectivement, il a réellement été utilisé. Alors ce bateau a une capacité à transporter une vingtaine d'individus. C'est un bateau qui était propulsé à la pagaie. Il n'y a pas de voile. Ces bateaux naviguaient pour faire du trafic commercial. En particulier, on a des lingots de métal qui n'ont pas été transformés en objets, qui ont été trouvés de part et d'autre, pas dans le bateau, mais dans des régions proches du littoral, qui sont des indicateurs, a priori, d'un commerce de matières premières intéressantes. Il faut imaginer, j'ai envie de dire, des raisons classiques d'échange entre des sociétés, des raisons commerciales, peut-être des raisons politiques, même si on n'a pas le détail de l'organisation politique de ces sociétés, des raisons peut-être tout simplement de calendrier culturel, festif, familiaux, pourquoi pas, si effectivement ces gens se connaissaient si bien. On peut imaginer des liens réguliers de part et d'autre à des époques qui étaient favorables. Quand on est au Cap Griné, on aperçoit les falaises de Douvres de l'autre côté. Elles sont là, elles sont présentes comme une invitation effectivement à traverser ce bras de mer, et ce depuis extrêmement longtemps, avec des conditions de navigation qui ne sont pas toujours simples selon les époques de l'année, avec des courants qui sont très forts, qui compliquent la navigation. Mais des hommes qui fabriquaient les bateaux tels qu'ils existent, tels que celui de Douvres, sont évidemment des gens qui savent naviguer. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Manuel Couturier était avec nous en régie à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Merci à nos trois invités, Clarisse Berthezen, dont le livre au Manchester University Press va paraître sous le... Elle traite de la question en poche. Elle va parler des conservateurs dans la bataille des idées en Grande-Bretagne. Guillemette Crozet, jeunesse du Moyen-Orient, je l'ai dit. C'est chez Champvallon, le golfe persique à l'âge des impérialismes. Et pour votre part, Pierre Saint-Garavelou, à la fois les empires coloniaux que vous avez dirigés, c'est en point seuil, et également votre maîtrise sur l'école française d'Extrême-Orient sort aux éditions du CNRS. Et bien demain, donc, le documentaire avec vous, Anaïs et Marie-Laure Ciboulet.